l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que maintenant Israël dise oui, sa miséricorde dure à toujours. Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel, l'Éternel m'est